Ja, ja, der gehen wir an the mic, ja. Ja, ja, der gehen wir an the mic, ja. Ja, ja, der gehen wir an the mic, ja. Belongan suoi bianca ose, una ancora lose, la tentiva explode. Les gens t'ont déjà crié. Et tu vas être en retard pour aller travailler. Au lieu d'aller bosser, je préfère rester là. Je me lève même si je ne marche pas très droit. Je descends prendre un café contre la gueule de bois. Quand on me dit, mais hier soir tu as fait quoi? Mais hier soir c'est sorti, j'ai lancé toute la nuit. J'ai rencontré une fille, elle s'appelait Titi. On a joué, on a ri, j'ai pas mal bu aussi. C'est pour ça que quand tu me parles, y'a l'odeur de vomi. Je prends les clés de la voiture. La journée risque d'être longue, risque d'être dure. Je suis trop belle chaussure, j'ai pas trop belle allure. Aujourd'hui je suis sûr, j'avais droit dans le mur. J'ai mal à la tête, les comprimés peuvent rien y faire.